Il faisait nuit lorsque Zuleika quitta le gourbi pour rentrer chez elle. Dès qu'elle eut franchi le seuil de la splendide demeure, une négresse la débarrassa de son voile et de son haïk de soie. Puis, soulevant une portière de velours rouge, Sidi attend là dans la chambre du Levant. La jeune femme pénétra dans une salle éblouissante, toute carrelée de mosaïques bleues, et dont le toit formait d'hommes. Elle était éclairée de bougies blanches innombrables, montées sur des candélabres d'argent. Les fenêtres en ogive étaient encore grandes ouvertes. On apercevait au loin les lumières de Tlemcen sur le fond sombre des oliviers. Diden, en effet, attendait sa femme, assise sur un matelas de satin cuivre, auprès d'une minuscule table de nacre, où un livre restait ouvert. Il se leva aussitôt pour aller devant de Zuleika. « Femme, lui dit-il en la dévorant de baisers, où étais-tu pour tant tarder? J'étais sur le point d'aller te chercher, et la rigueur des convenances me retenait là, cloué comme un infirme. Et plus bas, je languissais de ton ombre, de ton parfum. » Mais devant l'attitude froide, l'air préoccupé de sa femme qui ne lui rendait point ses caresses, Diden s'arrêta. Ses yeux bleus prirent la couleur de la mer inquiète. « Qu'as-tu, femme ? Que ce soit du bonheur, au moins. » Zuleika, hautaine, le repoussa doucement. « Viens, » lui dit-elle en le conduisant vers le sofa qu'il venait de quitter. Ils prirent place tous les deux. Diden, de plus en plus étonné de ce ton grave que prenait ce soir Zuleika pour s'adresser à lui, répéta « Mais qu'as-tu, femme ? Quelles nouvelles veux-tu m'apprendre ?» Et comme Zuleika réfléchissait avant de l'entretenir de cette chose à la fois si simple et si pénible, l'adolescent vint blottir son visage parmi les franges du foulard qui enveloppaient les beaux cheveux dorés de sa femme. L'heure était exquise. Une brise fraîche circulait au milieu des mosaïques qu'on sentait venir de là-bas, de la mer proche, derrière l'horizon des collines. Dans le jardin invisible, on entendait un clapotis léger s'agiter parmi les branchages des cocotiers et des trélitzias. L'arôme des jasmins, des mimosas, des roses du Bengale, montait en une symphonie de rêve rendue plus subtile par le beau soir d'automne. « Mon mari, dit enfin Zuleika, tu sais que de coutume il ne faut ni jurer ni faire jurer. Si l'on a eu ce malheur, tôt ou tard, le serment que l'on n'a point tenu se représente à vos yeux, qu'il soit prêt à s'éteindre sur un lit de mort ou prêt à s'ouvrir sur un lit de noces. » Diden, à ces paroles, avait secoué la tête. Il regardait sa femme, épiant sur ses lèvres à quoi elle voulait bien en venir. Alors Zuleika le contempla dans les yeux jusqu'à l'âme. « Eh bien, tu ne te souviens pas, toi, sur la longueur de ta vie, d'avoir fait un serment que tu n'as pas tenu ?» Cette fois, Diden se troubla, devint pourpre et baissa les yeux. À quoi Zuleika faisait-elle l'allusion? De quel serment voulait-elle parler? Il y avait bien le serment qu'il avait fait naguère à la petite Aïcha, mais tout s'était effacé dans la bénédiction du mariage. Zuleika reprit d'une voix tendre. « Mon mari, mon bey, Allah sait combien tu m'es cher. »« Oui, » se hâta de murmurer Diden, « et de cela mon âme est dans la joie parfaite. »« Eh bien, sur notre colline près de chez nous, il y a une jeune vie qui souffre précisément de notre bonheur, de notre union, et moi-même, tant que notre bonheur coûtera des larmes, je ne pourrai plus le goûter à loisir. » Diden avait blêmi. Il répéta machinalement. « Notre bonheur coûte des larmes à qui? Je ne comprends pas bien. » Pouvait-il se douter que sa femme avait rencontré Aïcha, lui avait parlé, et mieux encore, avait reçu ses confidences et l'avait serrée dans ses bras? « Tu as aimé une jeune fille avant de me connaître, Diden. Il ne faut pas l'oublier. » Et puis, elle pâlit à son tour. Défaillante, elle s'appuya légèrement sur la poitrine de son époux. Diden referma sur elle ses bras de Sid. Il lui jura qu'avant de la connaître, il ne savait pas ce qu'était que le véritable amour. « Dis-le-moi cependant, Zuleika, dis-le-moi à cœur franc, de qui veux-tu parler ?» Zuleika rappela son courage, fit taire sa douleur et fermement, « Je veux parler d'Aïcha, votre voisine. »« Aïcha ? » s'écria Diden. « Tu l'as vue ? Elle a osé te parler ? À quel endroit ? Aujourd'hui ?» En toute réponse, Lalla Zuleika inclina sa tête, et elle demeura pensive. Diden crut avoir perdu à jamais l'estime et l'affection de la fille des marabouts. Il voulut s'excuser. « Femme, pardonne un égarement de jeunesse. Le conseil de ma jeune raison, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir, caché pour moi seul, une Adra comme toi. » « Mais, » interrompit-elle en lui caressant soudain ses cheveux bouclés. « Je ne te fais aucun reproche. Aimer n'est pas une faute. L'amour, l'économie et la mort, l'homme ne peut leur échapper. Je veux seulement que tu répares, comme un cygne doit réparer. »« Réparer ? » interrogea-t-il. « Réparer ? Comment réparer ?» Et comme Zuleika se taisait, cherchait les mots pour lui déclarer enfin cette chose si grave, il s'inquiéta. Il lui prit vivement les mains. « Allons, parle ! » pressa-t-il. « Commande. Je ferai ce que tu voudras. Pourvu que tu me pardonnes, toi, et que tu me restes. » Zuleika se redressa. Elle fixa sur son mari ses beaux yeux purs. « Je veux que tu répares, » dit Dunn, en prenant Aïcha pour femme. « Quoi ? Tu veux que je l'épouse ?»« Je veux et il le faut. L'un et l'autre nous appartenons à une lignée de marabouts. Il ne nous pardonnerait jamais qu'un homme comme toi ait bu la liqueur pour laisser le fond du vase à cette malheureuse. » Dunn s'écarta, laissa aller sa tête entre ses deux mains et demeura sans répondre en proie à une douloureuse réflexion. Elle ne l'interrompit point, ne fit aucun mouvement. Dans une attitude digne, elle attendit patiemment sa réponse. Enfin, Dunn releva la tête. Il découvrit un visage consterné, mais d'une voix ferme. « Femme, ce que tu me demandes est impossible, même si je le voulais. Mes parents ne me l'accorderaient pas, car écoute. » Mais Zuleika s'est élevée. « Dunn, je sais tout. Si tu consens à faire ton devoir, le reste me regarde. »